them flows. Trop détermination dans ce que je fais. En effet, je veux connaître le succès. Ça sent sucer, mon rap est forcément sensé. Car il fait part entière de mon vécu, de mon présent que j'ai passé. Un flow enragé, engagé, pas prêt de changer. Je compte sur personne pour manger, attention danger. J'arrive avec des projets concrets, je veux percer de force ou gré. Je pose mes poses et ose te dire que les trois quarts des nouveaux soi-disant rappeurs sont des acteurs. Ils suivent les sept modes avec leurs paroles pas commodes. Vas-y, rempoil, le rap c'est pas ton monde. C'est pas parce que tu tiens le mic que t'es un bonhomme. Il faut que le reste suit. Moi je vois et vis ce que je dis. Mon rap c'est pas de la comédie comme on dit. Faut mieux être seul que mal accompagné. Vas-y pars-toi, tu peux le vivre à plein nez. Et ça tu peux pas le nier. Y'a trop de jaloux sur cette terre. Le bitch le monte en l'air. Ouvrez grand vos oreilles, je genoux à terre. C'est un braquage vocal vénère. L'oseille c'est l'air de la guerre. Et cela ne date pas d'hier. J'ai trop les nerfs, assez de planque à l'air. Il faut cette putain de mallette de pieds verts. Une chose est sûre, je reste haïssé et fier. Solide et solidaire envers les vrais frères. Je suis trop déter, je lâche pas l'affaire car je sais. Je me prétends pas pour je ne suis pas. Mais j'ai le style que t'abats, le style qui t'abat. Le style qui t'abat, c'est fracasse. Les bolos à l'appel, je les ramasse. Quoi, tu te prends pour une menace. Arrêtez vos salades, bande de pétasses. Serrez mon solo et aux jaloux, je les dédicace. Je suis dans une impasse, soit ça passe ou ça casse. Y'a plus de sentiments que des châtiments. Sous ma bitch, je l'ai demandé si gentiment. Rap de conquérant, je fuck les concurrents. Je compte pas sur mon compte courant, j'avance en contre-courant. Mon flow arrive en force, les maisons de disques repartent en courant. Moi de mes lyrics, je me porte garant. Je compte sur personne à part moi-même. Je cherche pas les problèmes car ils viennent d'eux-mêmes. Je viens d'Haïti, tu connais l'emblème. Le nerf de la guerre, c'est le thème. Mon rapport qu'on remet tout le monde d'accord. Si tu kiffes pas, comment ça se fait que t'écoutes ton corps. Y'a trop de jaloux sur cette terre. Le bitch, je monte en l'air. Ouvrez grand vos oreilles, je genoux à terre. C'est un braquage vocal vénère. L'oseille, c'est l'air de la guerre. Et cela ne date pas d'hier. J'ai trop les nerfs, assez de planque à l'air. Il faut cette putain de mallette de pieds verts. Une chose est sûre, je reste haïssé et fier. Solide et solidaire envers les vrais frères. Je suis trop déter, je lâche pas l'affaire car je sais le faire. Troisième couplet, vrai reconnaissent vrai, c'est cette blablatée. Moi je te dis, j'ai plus le temps pour les regrets. Je suis un fils d'immigré, dans le rap je me suis intégré. Je m'en bats les couilles de maigrer, et ça je te le dis de mon plein gré. Nous sommes des mecs de cité, donc incité à résister. Car pour un nous sommes suspectés envers cette société. Nous sommes esprits, y'a trop de faux culs qui s'éventent. Un vécu d'invaincu, bande de trous du cul. Mon flow épouse vos tympans, il assassine le tempo. Je m'en bats les couilles si t'aimes pas. Moi pour les gens je ne change pas, fais pas le fou si t'assumes pas. Pas grave si t'oses pas, pour qu'avoir un nec balance pas. Mon flow est chargé. Y'a trop de jaloux sur cette terre. Le bitch le monte en l'air. Ouvrez grand vos oreilles, je genoux à terre. C'est un braquage vocal vénère. L'oseille, c'est l'air de la guerre. Et cela ne date pas d'hier. J'ai trop les nerfs, assez de planque à l'air. Il faut cette putain de mallette de pieds verts. Une chose est sûre, je reste haïssé et fier. Solide et solidaire envers les vrais frères. Je suis trop déter, je lâche pas l'affaire.